Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gemozo pour cette nouvelle édition de l'heure des Loulas quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Bonsoir les Vosges et bonsoir l'Alsace qui nous écoute, très contente de savoir que tu es avec nous à l'antenne Zolweg. Alors comme je l'avais annoncé un petit peu plus tôt sur notre page Facebook Radio Gemozo pour ceux qui connaissent, on va parler de bien-être ce soir, et oui, de bien-être, de développement de soi, de neurosciences, etc. J'avais annoncé que j'aurais un invité, à savoir Hervé Sevrin. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Et surprise, en fait, il n'est pas arrivé tout seul. Donc je vais avoir une deuxième interlocutrice avec moi ce soir, Betty. Bonsoir Betty. Bonsoir à tous. Alors je replace un petit peu le contexte. Hervé est déjà passé une fois dans l'heure des loups, il y a un petit peu plus d'un mois, pour les sources du bien-être. On reparlera vite fait des sources du bien-être si tu veux bien. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose que vous avez en commun, c'est le bien-être. Enfin voilà, même si... Après ce que j'ai compris en off, vous avez deux disciplines distinctes, mais vous avez des choses à apporter tous les deux. Alors voilà, ça va être une émission très très intéressante sur le bien-être, le développement de soi, un peu psychologie aussi si j'ai bien compris. Alors on se lance. Hervé, est-ce que tu peux à nouveau rappeler un petit peu aux auditeurs qui tu es, depuis quand tu fais dans le bien-être? Enfin, je pense que tu connais la chanson. D'accord. Effectivement, je suis dans le bien-être depuis 3 ans. J'ai commencé, enfin quand on parle de bien-être, je parle de développement personnel hein, surtout. Donc ça fait 3 ans que je me suis intéressé au développement personnel. Et puis bah, voilà, mon parcours en fin de compte, c'était une découverte par rapport à un petit stage de 3 jours. Et du coup, j'ai suivi une formation complète jusqu'à maître praticien en PNL, hein, la PNL étant la programmation neuro-linguistique. Et puis, cette année, 2018, donc, c'était une nouvelle formation que j'ai suivie, donc avec Betty, pour le coup, en neurosciences appliquées. Donc, pour obtenir le diplôme qu'on a eu il y a peu de temps en coach formateur en neurosciences appliquées. Alors là, tu viens de nous donner quelques termes qui peuvent sembler barbares pour nous néophytes. Je pense que durant l'émission, on va peut-être un petit peu détailler tout ce que ça veut dire, que les auditeurs comprennent vraiment ce que tu fais. Et toi, Betty, qui es-tu donc ? Alors, ben moi, je suis une grande chercheuse. en fait, je suis une grande chercheuse, je dirais, dans le terme des consciences et du savoir vivre ensemble et comment bien vivre ensemble. Donc, j'ai une formation en psychothérapie dans un institut freudien à Nîmes, il y a plusieurs années de ça en arrière. Je pratique un bouddhisme depuis plus de 30 ans. Et puis, je me suis intéressée beaucoup au développement personnel, du coup, et au bonheur. Et j'ai vu des vidéos d'un monsieur qui s'appelle David Lefrançois, qui est directeur de l'INA, des Instituts des Neurosciences Appliquées à Paris, et à Tel Aviv, en Israël. Et en fait, j'ai suivi sa formation dernièrement, et bah, j'ai appris plein de choses. Et on avait envie avec Hervé de retransmettre des petites clés pour aller dans le terme de neurosciences, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que on peut comment dire qu'on peut aller mieux ou bien avec notre cerveau, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc c'est pas très compliqué. Les termes ont l'air un petit peu comme ça. barbare, je dirais presque. Mais en même temps, la neuroscience, c'est la science du cerveau, en fait, on dira, et de ce qui se passe à l'heure actuelle, qui va très vite, et qui permet aux gens d'avoir des clés assez rapides pour transformer, pour se transformer, en fait, intérieurement. D'ailleurs, tu as employé un terme, tu as cité un nom, le père fondateur de la psychologie et de la psychanalyse surtout, Sigmund Freud, vu que tu viens d'une école freudienne. Dis-moi, il me semble que de nos jours, ces théories sont quand même plus décriées. Qu'est-ce que toi, en tant que thérapeute, tu en dis ? Ce que je pourrais en dire par rapport à la psychanalyse et ce que j'ai pu apprendre, moi je trouve que c'est fantastique, hein, je ne vais pas aller à l'encontre du tout de la psychanalyse. Il y a des disciplines qui sont différentes et qui ne s'opposent pas forcément. Donc, ce que je pourrais dire, en fait, c'est que c'est vraiment deux disciplines différentes et les choses évoluent à l'heure actuelle. Et on a le choix soit de faire une psychanalyse et de prendre son temps et de travailler vraiment dans le détail et sur son histoire. Et puis, on est aussi... les neurosciences seraient plus de l'ordre des thérapies brèves. Donc, c'est plus rapide, ça va impacter à un autre niveau. Donc, voilà, pour moi, j'ai pas d'a priori par rapport à rien. Ce que je recherche surtout au niveau de la vie, c'est l'ouverture. Et en fait, chacun a le choix d'aller vers de choisir ce qu'il veut, d'aller vers ce qui l'emmène à quelque chose et d'arriver à ses fins surtout. Donc, la psychanalyse, on sait que c'est long, ça se travaille aussi dans le détail. On va parler plutôt de psychopathologie à ce niveau-là. On va parler des névroses. Donc ça, c'est toutes les théories freudiennes et de ses acolytes de l'époque. Et puis, aujourd'hui, on a les neurosciences. Et les neurosciences, je trouve ça fantastique, c'est fascinant aussi, quoi. Bah d'ailleurs, les neurosciences, si je ne me trompe pas, c'est ce qui vous réunit tous les deux. C'est vraiment votre point commun principal. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être, l'un des deux ou les deux ensemble, essayer de faire une définition compréhensible, alors pour moi, mais pour les auditeurs aussi, qui ne connaissent peut-être pas la discipline ? On essaie de un petit peu parler des neurosciences avec des mots simples, hein, voilà, c'est vrai que ça peut, j'emploierai pas un terme barbare, hein, c'est peut-être un terme un peu scientifique, hein. Tout ce qui est lié neuro, c'est au niveau du cerveau. Pour moi, c'est essayer de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau avec des outils extrêmement simples et basiques pour mieux communiquer aussi, voilà. En fin de compte, coach en neurosciences, et on accompagne des gens pour traiter des problématiques ou réaliser des objectifs. Mais quand on parle de neurosciences, je suis allée fouiner un petit peu sur Internet pour bien comprendre le cerveau et pour le voir, il faut faire de l'imagerie cérébrale. Pourtant, ouais. Vous n'avez pas d'appareil à faire des IRM ou des choses comme ça? Non, mais on a une grille... Il y a un monsieur qui s'appelle Eric Braverman qui a écrit un super bouquin qui s'appelle « Un cerveau à 100% ». Et en fait, il explique comment... je vais parler plus des neurotransmetteurs. Donc des quatre neurotransmetteurs principaux, il y en a d'autres, mais on va parler peut-être ce soir que des quatre premiers, qui sont dopamine, sérotonine... GABA, acétylcholine. Voilà, alors on connaît moins le GABA, l'acétylcholine, parce que en fait, ce sont on parle plutôt de dopamine, sérotonine, parce qu'en fait, on parle souvent de ça par rapport aux dépressions. Et puis, on fait de la neuroscience appliquée. Donc, ce que j'aime bien, c'est le mot appliqué, parce qu'en fait, c'est qu'est-ce qui va créer une bonne neurochimie et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour activer une neurochimie positive et changer ce qu'on appelle un mindset, c'est-à-dire des habitudes de voie neuronale, de ce que les habitudes nous donnent et comment changer ça. Donc, on sait très bien en neurosciences, par exemple, qu'il faut 3 mois pour changer une voie neuronale. Hein. Donc, par exemple, en petite chose qu'on peut faire, c'est déjà le matin, je me lève, j'ai une intention. Quelle est mon intention pour la journée? Et je vais l'écrire. Ça va structurer au niveau de mon cerveau. Le cerveau va imprimer ce que j'écris et va tendre à aller vers ce que j'ai écrit. Donc, en fait, moi, tous les matins, depuis quelques temps, je me pose mes intentions. Et on sait que le cerveau, par exemple, la négation, il ne comprend pas. Donc, on va articuler des phrases du style positive. Par exemple, si je manque de confiance en moi, je suis de plus en plus confiante en moi. Par exemple, si j'ai envie de gagner plus d'argent, je vais gagner de plus en plus d'argent. Je suis de plus en plus heureuse. Mon environnement me correspond de plus en plus. Voilà, ça, c'est des petites choses qui font que si on le fait régulièrement, on va imprimer, notre cerveau va imprimer et va tendre vers. Donc ça fait partie des petites techniques en neurosciences qu'on peut appliquer et qui fonctionnent très bien. Mais ça s'apparente aussi à de l'auto-persuasion. Oui, on peut apparenter ça à de l'auto-persuasion. C'est le même principe que pour la visualisation, visualiser quelque chose. Hein, une petite anecdote que j'aime beaucoup, qui est Walt Disney, quand il a voulu faire ses parcs d'attractions. Ça, c'est des mécanismes qu'on n'a pas, nous, vraiment en France, mais au Canada, aux États-Unis, ils sont assez forts pour ça. En fait, quand il a créé ses parcs d'attractions, il est allé voir plusieurs financiers. Alors, nous, on a un projet, on va voir 4 ou 5 personnes. Et puis, si les 4 ou 5 personnes qu'on va consulter n'adhèrent pas à notre projet au niveau financier, on va abandonner. Walt Disney, il est allé voir 117 personnes. C'est énorme. Et donc, il y avait un journaliste. Malheureusement, il est mort avant la fin de son projet. Donc c'est son neveu qui a pris le relais, et on sait que les parcs qui sont là à l'heure actuelle, ils fonctionnent très bien, hein, parce que c'est quelque chose d'énorme. Et un des journalistes dit au neveu de Walt Disney: « Ah, mais quel dommage, votre oncle n'a pas pu voir ça. » Et en fait, le neveu lui répond: « Ah si, c'est bien parce qu'il l'a vu qu'ils sont là aujourd'hui. » Donc en fait, ce qu'on apprend avec les neurosciences, c'est qu'on crée par nos pensées notre vie. Notre pensée, nos visualisations. Et plus on est attentif à notre pensée et à ce qu'on voit, plus on le crée. En fait, on crée par nos images. Donc, en fait, la neuroscience, on parlait d'images tout à l'heure, effectivement, les IRM sont des images, hein, bien entendu. Mais voilà, donc, pour créer une neurochimie positive. C'est ce qui est intéressant, c'est réapprendre à créer des neurochimies positives et à faire les liens. Alors après, on peut parler du cortex, du cerveau limbique, du cerveau reptilien, enfin voilà. Donc après, effectivement, tout ça se traduit réellement avec les images, mais on sait qu'il y a des liens qui se créent avec ces différentes parties du cerveau. Et qu'on va aller, par exemple, pour tout ce qui est de l'ordre des peurs, de survie et autres, on sait qu'on va aller, dans le reptilien. Hein. Après, pour les émotions, on a plutôt intérêt à aller dans le limbique. Et bon, après, je vais pas trop m'étendre encore, parce que je pense qu'on aura d'autres émissions sur les neurosciences, et que c'est pas le but d'être trop technique, et en plus je maîtrise pas super bien tout ça encore. Mais voilà, donc pour moi, c'est rester en fait dans des démarches de neurochimie positive. Et qu'est-ce qui crée de la neurochimie positive? Par mon action. Voilà, si je veux du changement, il faut que je change quelque chose. Donc, il faut que je change mes actions. Le plus simplement du monde. Voilà. Eh bien, tu as déjà fait une très belle, grosse introduction sur ce qu'est la discipline des neurosciences appliquées, même si vous touchez plein d'autres disciplines, donc on peut en parler, mais on va peut-être continuer à parler des neurosciences. D'ailleurs, je pense qu'on va décider ça un petit peu en off. En attendant, je propose une petite pause musicale. C'est Prayer in C de Lilywood and the Prick, qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups. Et si vous voulez réagir, vous discuter avec nous, vous pouvez passer via notre page Facebook Radio Gamozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. On est toujours avec Betty et Hervé pour parler de bien-être, de neurosciences appliquées. Enfin, c'est très vaste, mais on va dire en gros, on est dans le bien-être et dans la psychologie et... La PNL. Oui, la PNL. La PNL qui est d'ailleurs, c'est ça aussi je l'ai noté, la programmation neurolinguistique. Toi Hervé, tu es coach en développement personnel, vu que j'ai ta carte en main, triche, tu es praticien en PNL et conférencier. Alors qu'est-ce que c'est, concrètement qu'est-ce que ça veut dire la PNL ? PNL, programmation neurolinguistique, effectivement, là c'est plutôt un terme barbare, hein, on associe malheureusement encore la PNL quelque chose de sectaire, malheureusement. Enfin bon, heureusement, ça n'a rien à voir. On essaye toujours de se justifier par rapport à ça, qu'en fin de compte, ce n'est pas de la manipulation, et si toutefois c'en était, c'est juste de la manipulation positive dans l'intérêt de notre client, afin qu'il comprenne mieux, qu'il communique mieux, j'accompagne les gens à des prises de conscience pour du changement dans leur vie et du changement positif. Tu as parlé d'une forme de manipulation, est-ce que c'est comme une forme d'hypnose ? J'ai vu que tu pratiques aussi l'hypnose. Oui, je fais aussi de l'hypnose, oui. Donc c'est, voilà, le pari donc, le retour. Ah oui, c'est vrai que je vous le dis à vous et je rappelle aux auditeurs qui n'étaient pas au courant, je m'étais lancé le pari d'arrêter de dire donc en toc de langage, c'est complètement raté. Je disais alors... C'est la parole du compte. Non, mais moi aussi, quand je me réécoute, d'accord, c'est très énervant. Mais on a tous des tocs de langage et on en est plus ou moins conscient. Je disais alors... J'ai perdu le fil, merci les tocs de langage. Tu me parlais d'hypnose, effectivement, je fais aussi un petit peu d'hypnose. Oui, et est-ce que cette programmation neurolinguistique, ça rentre un petit peu dans l'hypnose, comme tu as parlé d'une forme de manipulation, même si j'ai déjà eu une hypnothérapeute ici qui a dit que tu ne fais pas faire des choses aux gens contre leur volonté. Bah, tout à fait, évidemment, on ne fait pas de l'hypnose pour manipuler les gens, aucun intérêt de toute façon. Il y a l'hypnose et moi je fais de l'hypno-PNL, c'est-à-dire c'est de l'hypnose liée à la PNL. Voilà. Ça peut être ni plus ni moins que de l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que je pourrais te parler comme ça en faisant de l'hypnose. C'est ni plus ni moins une technique qui permet de moins m'adresser à ton conscient mais plutôt à ton inconscient. Pour régler pareil des problématiques, des peurs, des émotions trop fortes, voilà. On en parlait tout à l'heure aussi par le pouvoir de la visualisation. D'où l'intérêt en hypnose d'inviter les gens à fermer les yeux, mais ce n'est pas pour les endormir, hein, c'est juste que ça soit plus confortable pour eux et de les installer tranquillement dans un état de relaxation avancé dans un premier temps. Et pourquoi faire justement cette programmation neurolinguistique ? Est-ce que c'est pour un cas de figure particulier ? Par exemple, si les personnes n'arrivent pas à s'auto-persuader pour dépasser leur peur ? Ben, en fin de compte, la programmation linguistique, c'est pour retrouver de meilleures communications. Hein. C'est le problème de tous les gens dans tous les domaines, hein, que ce soit... au niveau familial, que ce soit avec les enfants, professionnels, dans tous les domaines, depuis bien longtemps, tout le monde a des problèmes de communication. Alors ça veut dire quoi un problème de communication ? C'est-à-dire qu'on communique mal, voilà. Et la programmation neurolinguistique, justement, il y a des outils pour mieux comprendre, pour mieux communiquer, simplement, avec des choses basiques qu'on oublie souvent. Et après, ça permet aux gens d'avancer parce que toi, ce que tu fais surtout, c'est le développement de soi. C'est le développement de soi. Moi, j'accompagne des gens surtout pour retrouver confiance en eux. Voilà. Alors là, quand on n'a plus confiance en soi, on est un peu perdu. Et j'accompagne les gens pour qu'ils se retrouvent et qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils aient des belles prises de conscience pour changer éventuellement quelque chose dans leur vie. Et comment est-ce que tu procèdes ? Est-ce que tu leur donnes directement des solutions ou tu les mets sur des pistes en discutant avec eux ? Il faut peut-être les connaître un minimum pour savoir comment les aider. Oui, oui, bah, minimum, enfin, je dirais même un maximum, hein, parce que nous, en tant que coach ou en tant que praticien, voilà, on a fait déjà un développement sur nous, hein, pour mieux se connaître. Tu parlais de solutions. Non, on n'est pas, aucun coach n'apportera de solutions. On est là pour accompagner les gens à trouver leurs propres solutions. Voilà. Si toutefois, effectivement, ils n'arrivent pas à trouver leurs propres solutions, par des techniques, on peut les amener à des prises de conscience où, voilà, enfin, dans n'importe quelle problématique, ils auront leurs propres solutions. On va juste les accompagner pour les trouver. Alors, c'est la partie que tu gères. Est-ce que tu reçois beaucoup de monde pour coacher en développement personnel ? Beaucoup de monde parce que j'ai plusieurs activités. Je mise plus sur la qualité que la quantité. Je ne suis pas là pour accompagner beaucoup de personnes, mais c'est surtout des personnes qui sont en manque de confiance en eux. Est-ce qu'il y a une espèce de, enfin une espèce, un profil type, ici on est dans un département où il y a beaucoup de chômage, j'imagine que le fait de ne pas trouver du travail, ça peut aussi beaucoup impacter la confiance en soi. Tout à fait, il y a beaucoup de choses en fin de compte où on peut perdre confiance en soi, hein, que ça soit dans une relation de couple où voilà, on ne sait plus vraiment qui on est, ce qu'on veut faire, ça peut être avec nos enfants où à un moment donné on n'arrive plus du tout à communiquer, on va perdre confiance en le dialogue qu'on pourrait avoir avec eux, ça soit dans un milieu professionnel, dans tous les domaines, hein, il n'y a pas spécialement les Vosges ou les petits villages, je dirais même peut-être même plus dans les grandes villes justement où ils vont plus se remettre en question et trouver, chercher de l'aide en tout cas pour mieux comprendre. Alors ça c'est en ce qui te concerne, hein, c'est un petit peu plus comme ça on voit un petit peu plus concrètement quel est ton travail vu que je rappelle que tu as un cabinet à Saint-Étienne-lès-Miremont mais je vois pas l'adresse, on la rappellera pour la fin de l'émission avec ton site internet et toi Betty, est-ce que tu as la même approche, comment dire, les mêmes résultats, le même but que Hervé? Oui, je pense qu'on est. Je vais raconter une petite anecdote. J'habitais à Nice quand j'ai commencé ma formation à Paris. Et en fait, on était une quarantaine d'élèves à se retrouver dans ce cycle 47 INA. Donc on était quand même 40 personnes. Et la première personne à qui je m'adresse, moi je suis originaire des Vosges, c'était Hervé qui me dit : je suis de Saint-Étienne. Donc, c'était le petit clin d'œil. Et en fait, il n'y a pas vraiment de hasard, en fait. Je pense que, en ce qui compte... Enfin, voilà, pour répondre plus, de manière plus claire, moi, je travaille surtout en connexion. Et en fait, avec des lois, je pense, qui sont universelles. Et dont on n'a pas forcément pris conscience. Donc en fait, c'est effectivement par la prise de conscience qu'on va ramener les personnes vers leurs besoins. On va aller chercher... j'ai la même formation qu'Hervé. Moi, je suis très, très contente de cette formation, pour ma part. Et on va aller chercher comment nourrir les besoins de la personne. Donc, en disant aller chercher, nourrir les besoins, c'est vraiment se préoccuper du quotidien, de ce qui se passe, de ce qu'on a mis en action. Je reviendrai beaucoup sur le terme d'action. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui va faire que le mouvement, qui va faire qu'on puisse transformer quelque chose. Une personne qui... Voilà, on va consulter, on va prendre un téléphone, on va agir. Donc déjà, ça, c'est une des premières ressources. Pour moi, c'est vraiment l'action. Après, donc je parlais des besoins, comment nourrir nos besoins. Chacun, on a tous des besoins. Des fois, on les a occultés. Des fois, on a été dans le déni de nos besoins enfants. Donc, on a aussi... Hervé parlait de la confiance en soi. Donc, savoir qu'en fait, l'estime de soi a trois piliers qui sont effectivement la confiance en soi, l'image qu'on a de soi-même... Et puis l'amour de soi. Donc c'est ça, c'est les trois clés de l'estime de soi. Et puis on a des peurs, hein, des peurs qui peuvent être de toutes sortes. Hein, la peur de la réussite, ça existe. La peur de ne pas y arriver. Enfin voilà, la procrastination. On sait que quand on procrastine, quand on remet au lendemain les choses, c'est généralement lié à des peurs. Hein. Donc il y a ça, il y a les peurs, il y a les croyances erronées qu'on a sur nous parce qu'on a entendu dire des choses quand on était enfant et on y a cru. Par exemple, je peux te citer un petit exemple du style t'as pas réussi en mathématiques, t'es pas bon en mathématiques, et puis on adhère à ça. Et le fait d'adhérer, en fait, on le devient. Donc ça, c'est aussi des croyances qu'on appelle les croyances limitantes. Hein, ces croyances, toutes ces croyances qu'on a sur nous qui ne sont pas très justes. Et après, on a des croyances qui sont ressources, hein, des croyances qui vont nous faire avancer. Et puis, on a aussi des croyances qui sont neutres. Donc, en fait, c'est tout ce travail sur soi, de la connaissance de soi, de son fonctionnement, qui fait que, en fait, on va avancer en mettant des nouvelles règles en place. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je sais pas trop. Après, on peut travailler sur les émotions. Hein, on dit toujours, je vais vous faire une petite définition de l'émotion. Donc, l'émotion, ce serait faire mouvement à partir de quelque chose, donc une étiquette, un nom que l'on donne à un ensemble de sensations. C'est une méta-expérience, une interprétation de ce qui a été perçu par un ou plusieurs de nos sens. Une émotion est créée par un déclencheur externe. C'est une réaction affective qui se manifeste par des mouvements neurovégétatifs, pâlir, rougir, le pouls qui s'accélère, palpitations, etc. Elles appartiennent à la mémoire archaïque, reptilienne, notion de survie. Elles sont biologiques, pulsionnelles et durent quelques secondes. Alors le rôle de l'émotion, parce que souvent on est en réactivité. Pourquoi je parle des émotions ? Parce qu'en fait, des personnes qui seraient plus ou moins en échec, souvent elles sont bloquées dans leur langage émotionnel et elles vont être en réaction plutôt que de donner une réponse par rapport à leur capacité. Donc en fait, l'émotion, on dit toujours, on ne tue pas, c'est un messager. On ne tue pas le messager. Il faut savoir écouter ses émotions et ne pas les refouler. Donc ça peut être tout ce qu'on peut mettre en place au niveau de notre recherche. On va aller chercher dans les émotions, dans les croyances, dans les peurs. Voilà. Au niveau de la recherche, ça sera à peu près ça. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr. Et après, en réponse à tout ça, on peut mettre... en fait, moi, je travaille beaucoup avec l'EFT, la neuroponcture. Je trouve que c'est un outil qui est fantastique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est du tapotage, c'est du tapping. C'est sur des points précis. Et en fait, c'est des points de neuroponcture. Et en fait, ça libère vraiment au niveau des émotions et des énergies. En fait, on va aller travailler avec l'énergie. Hein, parce qu'en fait, quand on n'a pas suffisamment d'énergie, c'est qu'elle est bloquée quelque part. Donc, il faut qu'on aille la chercher, cette énergie. Et elle est souvent bloquée dans des petits traumas, dans des fois des gros traumas aussi, dans des peurs, voilà. Donc, on va aller mettre de la fluidité dans tout ça. Hein ? Pour libérer toutes les énergies, avoir un corps et un esprit plus sains pour une vie plus saine et avancée, vu qu'après tout, c'est ce que vous faites tous les deux. Ça peut sembler compliqué, mais c'est essentiel. Et d'ailleurs, l'essentiel, c'est le titre de Zazie qu'on va s'écouter tout de suite. Et on se retrouve juste après la pause musicale. Peut-on rouler sans le permis, prendre une autre voie, vivre une autre vie? Ce qui nous transporte, ce qui nous conduit, c'est de négocier le virage comme des hommes, pas des sauvages. C'est d'aller moins vite pour aller plus loin. Marchons à l'essentiel. Thank you. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir ou discuter, voilà, j'ai encore oublié d'éteindre la manette. Et si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas à passer par notre page Facebook Radio Gémozo ou à nous contacter via le 03 29 62 40 40. Oh, d'ailleurs, j'ai quelqu'un sur Facebook qui a réagi. Alors, un certain Christopher Durand qui a dit « Une émission sur le développement personnel, smiley avec des cœurs dans les yeux. Pratiquant moi-même ce programme, je n'arrive pas encore à tout réussir dans ce que je fais des conseils. » Ah oui, parce qu'en effet, on a Hervé, Sevrin et Betty avec nous ce soir. Eh bien, Christopher, si tu nous écoutes, tu peux appeler au 03 29 62 40 40 où tu pourras poser directement les questions. C'est plus simple. D'ailleurs, je vais te l'écrire tout de suite sur Facebook. S'il y a une chose sur laquelle vous m'avez dit que c'est important de s'axer et que j'ai appris il y a deux petites minutes, c'est que vous avez un projet commun pour 2019. Tout à fait. Oh là là, mais qu'est-ce donc ? Qu'est-ce donc ? Ben, en fin de compte, ben, maintenant que voilà, nous avons une autre précieux sésame en neurosciences appliquées, dans la mesure où Betty a son activité, j'ai une activité et une activité en commun, on s'est dit, ben, tiens, pourquoi pas essayer de créer un petit projet, lancer un projet en 2019, voilà, avec les neurosciences, l'accompagnement de, des personnes, mais... plusieurs niveaux, c'est-à-dire que, ben voilà, on a vu avec Betty pour faire de l'accompagnement personnel, de l'accompagnement de groupe, faire éventuellement des formations, de l'accompagnement aussi en entreprise. Et aussi dans des aussi dans les centres de formation. Parce que vous êtes coach déjà, mais vous êtes aussi formateur. Tout à fait. C'est pas négligeable de le rappeler. Alors, ce que vous allez faire, vous allez créer un cabinet commun, quelque chose comme ça ? Alors, moi, j'ai déjà lancé le projet. J'ai déjà un site internet qu'on peut consulter avec tous les détails. Déjà, ni plus ni moins, qu'est-ce qu'un coaching, hein, parce qu'on entend parler des coachs. Il y en a un petit peu dans tous les domaines, hein, les coachs. Mais voilà, le coaching en neurosciences, c'est quoi exactement le coaching ? Tout ce qu'on peut apporter, c'est mieux aussi d'avoir un site internet où on peut vraiment regarder et voir tout ce qu'on peut apporter, parce qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels nous voulons intervenir. Ça peut être aussi, on fait aussi du coaching d'équipe. Il ne faut pas oublier qu'on peut coacher plusieurs personnes à la fois. Quand on parle de formation, c'est plutôt apprendre à un petit groupe. Qu'est-ce que les neurosciences ? On l'a dit tout à l'heure, les neurosciences, c'est ni plus ni moins aussi des petits outils de développement personnel. C'est ces petits outils pour trouver les clés, pour aller mieux, pour avancer, pour progresser et tendre vers ses buts, si je résume bien ce que vous me dites depuis le début de l'émission. Tout à fait. Alors, tu as dit vous intervenez, enfin vous comptez intervenir, parce que je rappelle, c'est un projet. Vous comptez alors intervenir sur différents plans. Déjà, j'ai vu, parce que j'ai ton petit flyer sous la main aussi. Mm-hmm. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, les cartes et les flyers d'Hervé sont disponibles dans nos studios. Vous en profiterez pour nous faire un petit coucou. Tu interviens auprès d'équipes et d'entrepreneurs. Tout à fait. Parce que j'imagine que c'est important, le développement personnel a un fort impact sur le travail qu'on fournit par la suite. Tout à fait. Le projet, on va essayer de cibler, et on n'aura pas vraiment les mêmes cibles entre Betty et moi. Effectivement, moi, en 2019, j'ai une cible plutôt de viser les entrepreneurs et les PDG éventuellement. En fait, on vient de l'école de Paris. Lina vient de nous offrir ce qu'on appelle la Neuro Business School. Et en fait, c'est du management au niveau entrepreneuriat. Entrepreneuriat neurosciences. C'est toutes les techniques de marketing qu'on met en place aujourd'hui avec une éthique et donc les neurosciences. Donc en fait, on a tous les deux le projet de faire de la formation. Donc moi, ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que j'aime beaucoup transmettre. Et puis, il y a une réelle demande. Donc à cette école de la Neurobusiness School. En parallèle, moi, je pars tous les mois en Israël. Je suis intervenante sur un institut aussi qui est à Tel Aviv. Et là, en janvier, je démarre en tant que, par exemple, coach formateur, master coach, sur une nouvelle école qui s'est ouverte à Tel Aviv. Et voilà, ça c'est encore une facette de ce qu'on peut faire avec les neurosciences à l'heure actuelle. Je pense qu'on vise aussi des comités d'entreprise après divers. Et voilà, par exemple, je pensais aussi aux reconversions. Les personnes qui ont des reconversions ou même qui vont être à la retraite. Comment les faire passer la retraite de manière sympathique et qui se retrouvent pas devant je ne sais pas quoi faire ou voilà. Donc ça c'est aussi dans les projets qu'on a. Il y a plein de choses à faire en fait. Si je peux me permettre aussi Betty, enfin je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. On parle de période de transition. Hein, même quelqu'un qui veut vraiment changer de métier, avec les neurosciences c'est un accompagnement qu'on peut suggérer aussi. Et on a un ami qui s'appelle Osérologue. Il faut oser. Donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est souvent dans nos peurs, on n'ose pas et en fait, on rétrécit les choses. Et le cerveau, il a besoin d'expérience. Et en fait, en neurosciences, on n'a pas d'échec. L'échec n'existe pas. On apprend tout le temps. C'est apprentissage constant. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on mette vraiment en place dans nos têtes. Parce que, en fait, la notion d'échec, c'est quelque chose qui n'est pas très porteur. Et il faut aller vers ce qui porte. Et ce qui porte, c'est l'apprentissage. J'ai tiré quelque chose de cette expérience. Et voilà. Donc, c'est une vision plutôt positive, mais c'est, en même temps, ça crée réellement du bien-être à l'intérieur de notre corps. Parce qu'on sait que tout ce qu'on ne règle pas. Réellement dans nos vies, en fait, ça devient une maladie. Hein. Donc, on en fait des maladies. Donc, le but, c'est aussi, c'est comme tu disais tout à l'heure, un corps sain, quoi. Un corps sain, c'est un corps qui se libère, c'est aller marcher, c'est... Là, pour le mental, on sait que marcher, c'est très, très bon, c'est des choses qui sont simples. Donc, alors, moi, je suis très contente d'être dans les Vosges parce que marcher ici, c'est quelque chose de fantastique, la nature est présente, on peut respirer, on sait que respirer, c'est très, très important. Hein? Après, on va travailler aussi sur les... sur l'amour, le pardon, qu'est-ce que tout ça, ça va générer? Hein, plutôt que les rancœurs, les rancunes, tout ce qui vient bloquer. Donc, on va tendre vers quelque chose qui nous amène à nous rapprocher de l'autre et pas à nous distancer de l'autre. Donc ça, c'est comme une hygiène de vie qu'on devrait réapprendre. Alors, je ne dis pas que c'est facile à mettre en place tout le temps, mais voilà. Le fait de le savoir, on va tendre et le coach va aider, justement, dans sa régularité, à voir si les actions sont bien mises en place, à motiver, à valider la personne de manière inconditionnelle, enfin, voilà. Donc, en fait, le travail, c'est vraiment aller chercher les ressources chez la personne, tout ce qui est ressources. Et les mettre en pratique. Parce que la personne en question, enfin, si elle veut tendre vers quelque chose, elle a les ressources nécessaires, elle ne sait juste pas les exploiter. En fait, le potentiel, souvent, en fait, on dit révéler le potentiel. Hein. Le potentiel, on en a tous un qui est énorme. Après, on n'arrive pas à le faire jaillir ou à l'exprimer parce qu'il y a des blocages, parce que on a des peurs, pour plein de raisons, parce qu'on croit que c'est pas possible, parce qu'on visualise pas, parce que dans notre environnement, dans nos domaines de vie respectifs, on n'a pas forcément les bonnes personnes autour de nous qui vont valider ce qu'on désire. On va pas se valider soi-même, on va avoir un environnement qui valide pas non plus, donc du coup, on se replie, on se recroqueville et puis, en fait, on n'avance pas et dès qu'on n'avance pas, on sait qu'on régresse. Hein. Donc le but, c'est d'aller vers ses rêves. Moi, je crois qu'il faut vraiment aller vers ça à l'heure actuelle. Et il y a plein de... C'est pour ça que cet ami qui s'est appelé Osérologue, il est fantastique. Il est en train de faire le tour du monde, il fait des conférences. C'est quelqu'un de vivant, quoi. J'ai une autre amie qui s'appelle coach de remise en vie, par exemple. Et voilà, donc c'est la vie avec tout ce qu'elle peut nous apporter. En fait. Et souvent, on n'en connaît qu'une petite partie de notre vie. Très petite, on n'en expérimente qu'une petite parce qu'on est resté bloqué dans des peurs, des croyances, des choses qui nous portent pas. Et aussi parce qu'on n'ose pas. Voilà. Et ça, c'est un mot important. On n'ose pas. Enfin, les gens n'osent pas pour plein de raisons, comme Betty vient de dire, à cause des peurs, tout ça. On est là aussi pour rassurer les gens. On parlait tout à l'heure de mindset, de processus de pensée. On travaillera exclusivement d'une façon positive. Et une fois qu'on travaille d'une manière positive, ça change tout. Oui, j'imagine que la positivité, ça a un impact monstre, en fait, sur la confiance en soi, sur la manière dont on est perçu. Ou même, Betty avait dit plus tôt, le cerveau ne comprend pas la négation, donc pour qu'il comprenne, il faut passer par la positivité. En fait, c'est peut-être comme parler une langue qu'il comprend. Ben, on est dans une société quand même où on installe beaucoup plus les peurs qu'autre chose. Effectivement, quand on a peur, on ne peut pas avancer. Hein, tout simplement, on parlait d'oser. Oser, c'est aussi avancer, c'est sortir de sa zone de confort. On peut ne pas oser sortir de sa zone de confort. Et nous, on est là aussi pour accompagner les gens, pour libérer leur plein potentiel et sortir de leur zone de confort. Parce que si j'ai bien compris, tout le monde a un potentiel inexploitable. Exactement. Un potentiel fou. Des ressources, comme tu disais tout à l'heure, on en a tous. Et bien souvent, tout est présent et on n'ose pas, mais elles sont... Voilà. Et si on ne s'est pas servi de toutes ces ressources pendant plusieurs années, elles sont énormes. Et c'est votre travail à vous, en fait, pour les personnes qui viennent vers vous, libérer en fait tous ces blocages, tous ces problèmes avec votre manière, parce que vous avez tous les deux des parcours différents et des manières de faire différentes, même si vous avez un tronc commun. Tout à fait. Et un projet commun. Ouais. Et le coaching, je voulais dire, en fin de compte, on travaille d'une façon assez rapide. Hein. Voilà, le coaching, c'est un petit peu vulgaire, mais voilà, on en voit. Je sais que des fois, je reçois des personnes qui ne vont pas bien en arrivant chez moi. Le premier rendez-vous, une heure et demie après, elles ressortent déjà avec le sourire. Ça va très, très vite. On parlait tout à l'heure, en l'espace de 2 ou 3 mois, on peut vraiment faire un changement de vie chez les personnes. Hein. Alors, vous n'êtes pas forcément... Enfin, quand je dis vous, c'est tous les deux, vous n'êtes pas forcément sur des suivis longs. Betty parlait tout à l'heure de thérapie brève, hein, ça veut tout dire. Thérapie brève, on ne parle pas de plusieurs mois, c'est en semaine, on va parler, voilà. Bon, après, tout dépend des personnes aussi, hein, la progression qu'ils peuvent avoir, parce que le travail, c'est eux qui le font, c'est pas nous, on l'accompagne, hein, je répète. Vous êtes accompagnant pour débloquer des choses, pour que les gens puissent avancer, puissent découvrir, dépasser leurs peurs. Et d'ailleurs, s'il y a bien quelqu'un qui a dépassé ses peurs aussi, il s'agit de David Guetta. Vu que Betty, tu voulais que je passe un de ses morceaux, alors je propose Mad Love, qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Give me some of that. Love you know your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your treat is a rap. Love the energy where your fingertop pop. Stepping in, girl, you're peppering, you ever look hot. Every queen, girl, you know, so you never yet flop. I know I see when me want for your talk. My eye depend she precise and exact. Good Lord, girl, you're going too hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar. Bang, bang, bang. Love me like that. thing. Spin my girl, cause you know how to swing. Jiggle up your body, jiggle up your sin thing. Unquestionable, you are running sin thing. Open and back together, but you ever look hot. I'm the queen, but you know that I never yet flop. Are you ready for your night of loving? With the stamina king, me hear your body calling. Good Lord, girl, you're going so hard. Girl, you like something best, gonna spreading it to a bar. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Si vous voulez discuter, réagir avec nous, n'hésitez pas à passer par notre page Facebook Radio Gamozo ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. On est toujours avec Betty et Hervé, toujours dans le bien-être, dans les neurosciences. Tous les deux coachs en neurosciences, c'est ça? Oui. Aussi. Oui, parce que c'est vrai que, je rappelle aux auditeurs, vous faites tous les deux des choses différentes, vous avez un tronc commun, mais bon, il y a tellement, tellement. Mais moi, je préfère l'appellation coach en développement personnel, ça parlera beaucoup plus aux gens. En effet, tu as bien raison de rectifier mes propos. Et on a parlé juste avant la pause musicale du type de thérapie que vous dispensez ou dont vous dispensez. Par contre, c'est vrai que s'il y a souvent une question qui fâche, c'est une question de prix. Alors peut-être que les auditeurs se demandent peut-être à quoi s'attendre s'ils vont vous voir. Et puis après avoir parlé du prix, on va parler de là où vous trouvez. D'accord. Bah, au niveau du prix, moi, c'est très simple. En fin de compte, je propose toujours la première séance gratuite. Voilà, il faut toujours, il y a toujours une petite part de gratuité. Déjà, ça permet de, d'expliquer aux gens ce qu'on peut leur apporter. Oui. Après, le prix, tout dépend. Moi, je propose des coachings, c'est-à-dire que c'est... Le coaching, c'est à peu près entre 5 et 8 séances. Ça, tout dépend de la problématique, tout simplement. C'est un coût à peu près de 50 euros de l'heure. Hein, voilà, il n'y a pas à se cacher de ça. Hein, voilà, mais le développement personnel, en fin de compte, c'est aussi les gens, combien ils sont prêts à investir sur leur bien-être, tout simplement. Oui, ça se comprend. Et toi, Betty, en ce qui te concerne, tes séances, parce que tu es aussi psychothérapeute, alors à combien ça s'élève chez toi? Alors, je suis psychothérapeute, j'ai été formée dans un institut de psychanalyse, donc j'ai la psychanalyse aussi, même si je ne la pratique pas à l'heure actuelle. Alors, donc, en fait, moi, avec la psychanalyse, on a la possibilité, c'est en fonction des revenus des personnes, et donc, il faut que ça coûte. Le principe, c'est que ça coûte quelque chose, que ce ne soit pas totalement gratuit, on est bien d'accord. Après, au niveau des coachings, moi, je suis plutôt sur 12 semaines. Après tout dépend aussi les raisons pour lesquelles la personne elle vient consulter ou elle a besoin du coach. C'est vraiment en tarif de base, je suis comme Hervé, je serai à 50 euros quoi, mais c'est complètement négociable, je dirais. C'est vraiment au cas par cas, au coup par coup. Je veux pas non plus casser le marché ou quoi que ce soit. Mais un prix de l'heure, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Si on fait des formations, c'est un programme qu'on va proposer. C'est pas des séances. Là, on parle d'accompagnement personnel. Et justement, alors on a parlé des fourchettes de prix, mais où vous trouvez? Comment vous joindre, Hervé? Alors déjà, toi, je peux le dire parce que moi, je le sais, tu as un site internet pour ceux qui veulent faire un petit tour. Hein, c'est www.gabas-coach avec un K, donc KOACH.fr. Et tu as aussi des numéros de téléphone, donc je peux le donner? Bien sûr. Alors c'est le 06 01 07 15 53 et ton mail c'est gabas-coach@orange.fr. Dans tous les cas, ton site internet sera indiqué avec le podcast de l'émission. Alors ça c'est pour te trouver, on va dire virtuellement, mais comment dire, géographiquement parlant, tu as un... Alors je suis aussi sur, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un annuaire des thérapeutes hein, qui existe hein, sur internet et on peut me trouver aussi dans annuaire des thérapeutes. Et on trouve l'adresse de ton cabinet. Voilà, même sur Google, ben voilà, en tapant Hervé Serin, thérapeute, on trouvera assez facilement. Et je me trouve à Saint-Étienne-lès-Remiremont. C'est important de le préciser. Tout à fait. Et toi, Betty ? Alors, moi, je suis sur Saulxures-sur-Moselotte. On peut me joindre par téléphone au 07 85 19 54 49. On peut voir pas mal de choses sur ma page Facebook. Alors c'est donc je m'appelle Betty Reine Roland et j'ai mis mon troisième prénom Roland parce que j'aime bien Roland Roussevaux et c'est celui qui était très déterminé. Donc on me trouvera sur ma page Facebook au nom de Roland Boultin et là il y a tout un aperçu de ce que j'aime, de ce que des manières dont je travaille, enfin bref. Et après mon mail c'est Bouletin. boultin.betty@orange.fr. Voilà. J'ai pas encore mon site internet parce que je travaille avec une agence de com sur Paris, dont je fais le coaching avec un autre collègue de l'INA à Paris. Et en échange, ils vont nous faire des sites internet tout beau, tout bien comme il faut. Voilà. J'imagine qu'ils feront aussi un site internet quand votre projet commun pour 2019 sera mis en place. Ouais, je pense que ça viendra, mais bon, ça, c'est pas le plus compliqué à faire. Après, moi, je suis plutôt partante déjà pour transmettre la transmission. Donc, je sais qu'on va se revoir. Apparemment, vous êtes OK pour qu'on continue à animer une émission. Mais oui, que ce soit dans mon cadre à moi ou dans un cadre à vous, parce que je rappelle, je suis animatrice, mais je ne suis pas la seule animatrice de Gameozo. Et tout le monde peut, s'il le veut et s'il a des choses à dire à l'antenne, devenir animateur de sa propre émission. Donc on va mettre ça en place, on va faire un mensuel. Et puis, donc ça c'est aussi dans les projets, dans le projet radio. Ben, en fait, on va certainement le mois prochain refaire une émission. Et on a des amis, naturellement, parce que moi j'aime bien être liée. Donc j'ai pas mal d'amis coach de l'INA qui sont prêts à venir animer avec nous, qui ont d'autres parties, qui peuvent répondre aussi, qui sont prêts à venir à Saint-Étienne. Voilà. Ah oui, donc ça fait plein de beaux projets pour la suite, plein de bonnes choses à annoncer et plein de bonnes choses. Hein. En tout cas, vous vous fixez constamment des nouveaux objectifs pour continuer à progresser, vu qu'après tout, que sera un coach de développement personnel si lui non plus, il ne surmonterait pas ses peurs ou n'élaborerait pas de nouveaux projets. Malheureusement, ça va déjà être le moment de se dire au revoir pour ceux qui le perçoivent un petit peu doucement. Moi, je l'entends dans mon casque, mais le générique s'est mis en route. Alors, ça va déjà être le moment de faire la programmation de la soirée et se dire malheureusement au revoir pour de bon. Merci Lou. Merci beaucoup. Encore Lou. Un instant. En tout cas, on retrouvera dès 20h François pour son émission Le calendrier des esclavages et des libérations, puis musique jusqu'à demain matin, 7h-8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Si vous n'avez pas envie d'attendre demain matin, elle sera en podcast sur notre site internet Radio Gameozo, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups, ou sinon sur notre page Facebook Radio Gameozo, aisément écoutable, aisément téléchargeable. Comme je l'ai dit, dans tous les cas, vos sites et vos coordonnées seront indiquées avec le podcast, du moins sur notre site internet, mais bon, je pense que les auditeurs savent comment switcher de l'un à l'autre. Et demain matin, mardi, ce sera à 8h, minute bonheur de l'IA, et 8h30, la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. On se retrouvera demain, 18h, 19h, en direct, comme d'habitude, avec un auteur, Florent Kiefer, pour son roman Le Point sur la Méduse. Ah, j'ai hâte de vous retrouver demain, parce que c'est un livre vraiment extraordinaire. Je ne peux pas en dire plus, mais il vaut le coup. Et puis bon, bah dans ce cas, on se donne rendez-vous mardi 18h pour en savoir plus sur cet auteur et sur son roman qui est tout jeune, hein, vu qu'il date du 19 octobre de cette année. Betty, Hervé, merci beaucoup pour vos informations, merci beaucoup pour votre temps, c'était très précieux, et continuez les projets et n'hésitez pas à faire appel à nous si jamais vous avez à nouveau besoin qu'on parle de vous. Merci. Merci Lou. Et merci aussi aux éditeurs pour leur attention. Dans ce cas, on se donne rendez-vous demain, même heure, sur le 107. Bonne soirée à tous.